d'avoir des échanges avec vous au sujet de nos recherches, parce que nous, on est avant tout praticiennes, on est enseignantes, et on a été amenées par nos parcours à enseigner devant des publics assez divers. Et notre réflexion, elle part vraiment de notre propre pratique, nos essais, nos échecs, les expérimentations qu'on a mises en place, et puis aussi un peu l'observation qu'on a pu faire dans d'autres classes, ou les échanges qu'on a pu avoir avec nos collègues, Agathe Mézadry est aussi donc formatrice et chargée d'inspection. Et de mon côté, cette année, je suis donc responsable de l'enseignement dans un établissement pénitentiaire, donc j'ai une mission de coordination de l'équipe pédagogique qui me permet d'avoir cette discussion avec mes collègues. On est parti de là pour se poser la question de la place qu'on pouvait donner au débat sur les valeurs dans une classe de littérature. Et on s'est rendu compte que quand on enseigne la littérature et qu'on vise à instaurer un débat sur les valeurs justement au lycée, alors nous on se focalise sur le lycée, sur l'enseignement auprès des ados et des jeunes adultes, moi j'ai beaucoup de jeunes adultes surtout en milieu pénitentiaire, et donc on s'est rendu compte que dans ces cours, avec cette visée particulière, la perspective morale était souvent privilégiée. C'est-à-dire que du côté des corpus, on avait une focalisation sur un certain nombre de situations limites, porteuses de cas de conscience et de dilemmes, dont un des exemples les plus fameux est sans doute l'opposition entre Créon et Antigone, dans l'Antigone d'Anouilh, où, donc là je vous mets un extrait derrière moi, où on voit que Créon parle de ce qui lui paraît. Excusez-moi. Ah oui, pardon. Voilà, on a une opposition entre ce qui, selon Créon, est honnête, avec Créon qui dit « Cela ne m'a pas paru honnête, j'ai dit oui », et Antigone qui rétorque « Moi, je peux dire non à tout ce que je n'aime pas, je suis seul juge », on connaît cette opposition. Et donc, dans ces choix de corpus, il y a souvent la volonté de modéliser justement une opposition de valeurs à partir de personnages comme Antigone et Créon qui sont irréconciliables, ou du moins qui demeurent irréconciliés par l'activité de commentaire. Ici, c'est d'un côté le déontologisme ou l'éthique de la conviction d'Antigone qui s'oppose au conséquentialisme ou éthique de la responsabilité de Créon. Dans Pourquoi étudier la littérature, Vincent Jouve fait d'ailleurs de ce double mouvement d'immersion dans la fiction puis de conceptualisation la vocation de l'enseignement littéraire. Dans les termes qu'il utilise ailleurs, l'enseignement des lettres permet au lecteur de passer d'une lecture participative à une lecture objectivante. Sans remettre en question cette approche, on a voulu s'interroger sur la manière dont elle est adaptée, donc cette manière de rationaliser comme ça et de faire des oppositions binaires à partir de personnages. On s'est demandé si elle était vraiment adaptée à l'approche des valeurs dans les textes littéraires. Parce qu'elle pousse à les aborder d'abord de façon frontale, c'est-à-dire qu'on va étudier des textes où la question morale elle est énoncée de manière explicite, de manière souvent grossissante, on a des situations qui sont assez extrêmes, on a souvent des cas limites, et puis d'une manière qui est d'une certaine manière désincarnée, parce que les personnages sont là pour n'incarner qu'un principe. Ils sont là vraiment pour incarner une idée, et c'est comme ça qu'on va en parler en classe. Par exemple, dans le cas d'Antigone d'Anouilh, on va très peu parler en classe du rapport d'Antigone à la féminité ou alors de la dynamique familiale au sein de laquelle s'érige le dilemme moral. C'est souvent assez peu exploité au profit d'une modélisation binaire. Donc nous, notre postulat, c'est que pour étudier la littérature en questionnant les valeurs, ce mouvement d'abstraction gagnerait à s'appuyer sur une analyse des sentiments, des passions et des caractères, une analyse plus fine, de ces sentiments tels qu'ils existent à la fois dans les textes et en dehors des textes, donc tels que nous les vivons. Et nous faisons ce postulat en raison de l'intrication entre valeurs et sentiments, entre valeurs et émotions. En effet, dans une perspective qu'on peut appeler néo-aristotélicienne, là je vais m'inscrire beaucoup dans la continuité d'auteurs comme Martha Nussbaum, on va affirmer que la généralité des principes passe à côté de ce que le questionnement sur les valeurs a de nécessairement incarné, singulier et sensible, tel que nous rencontrons effectivement. Donc là, on verra avec Martha Nussbaum comment on peut s'opposer d'une certaine manière à une espèce de quantisme qui bizarrement paraît être, en tout cas quand on est en position d'enseignant, paraît être notre penchant naturel, c'est-à-dire à soutenir implicitement une espèce de morale des grands principes et des grandes valeurs. Cette intrication entre valeur et émotion, elle se manifeste, selon nous, de manière privilégiée, de deux manières. D'abord parce que toutes nos émotions, elles sont à peine nommées, elles sont déjà jugées. C'est-à-dire, par exemple, dire de quelqu'un qu'il est jaloux, c'est déjà le condamner. C'est-à-dire, en dehors du fait que les passions ont été dans une grande partie de l'histoire de la philosophie mises de côté et un peu bannies de la réflexion, et ben certaines passions, dans la manière dont on en parle couramment, sont valorisées, tandis que d'autres sont complètement dévalorisées. On peut citer par exemple, à la suite de cette idée, le succès qu'a rencontré l'ouvrage après les attentats de novembre 2015, l'ouvrage d'Antoine Léris, qui s'appelait « Vous n'aurez pas ma haine », je pense que vous en avez entendu parler, où là on a vraiment une passion, la haine, qui est désignée à la fois comme responsable du mal, c'est-à-dire les auteurs des attentats sont haineux, et une passion dont, même quand on aurait toutes les bonnes raisons, enfin toutes les raisons de la ressentir, qui doit être bannie. On a vraiment la désignation là, d'une passion coupable, et on pourrait aller, avec un auteur comme Rouenogien par exemple, jusqu'à dire que finalement, parler de haine, ce n'est peut-être rien d'autre que énoncer un jugement de valeur au sujet de quelqu'un. Donc voilà pour le premier aspect de cette intrication entre valeur d'un côté et émotion de l'autre. Un deuxième aspect, c'est aussi le fait que, y compris quand on les vit, les émotions et les sentiments sont des prises de position par rapport au monde qui sont des manières de valoriser les objets. C'est un peu ce que défend Martha Nussbaum quand elle dit que les émotions sont des jugements de valeur. Ce qu'elle veut dire, c'est qu'une émotion, c'est pas seulement un état affectif qu'on ressent, les émotions sont des actes intentionnels qui visent le monde, qui disent quelque chose du monde. Et donc quand je suis jaloux, par exemple, je donne une certaine valeur à certains objets et j'en retire à d'autres. Donc le fait même d'éprouver des émotions, c'est émettre des jugements de valeur. Donc voilà pour cette intrication. Et l'enjeu, donc il nous a semblé que la littérature pouvait être une médiation privilégiée pour aborder les valeurs de ce point de vue-là, justement. Et l'enjeu pour nous, ce serait d'amener les élèves à un questionnement des valeurs à partir des textes littéraires qui, contrairement à l'exemple de Créon que je vous ai cité tout à l'heure, ne rabattraient pas les enjeux éthiques sur une rationalité un peu factice. C'est un problème qui est de taille et qui n'est pas sans écueil, parce qu'il ne s'agit pas de faire venir dans les classes tous les affects qu'il y a dans le débat public, et notamment sur les réseaux sociaux, etc. Donc il va falloir trouver un peu la juste mesure pour prendre en compte le côté affectif et incarné du questionnement sur les valeurs sans reproduire ce drame dans notre classe. Je précise d'emblée, pour les termes que je vais utiliser, de manière un petit peu indifférenciée, mais que ça puisse être critiquable, les termes de passion, sentiment, émotion, en tant que manifestation de notre sensibilité ou affectivité, par opposition aux idées, aux raisonnements purement discursifs. Et puis je vais ajouter à cette constellation sémantique le terme de caractère, dont vous avez parlé tout à l'heure justement, qui est particulièrement intéressant dans l'étude des textes par sa proximité avec la notion de personnage et qui est lié aussi à la tonalité affective de notre existence. Voilà. Je voudrais aborder les problèmes qui sont liés à l'interprétation morale des œuvres littéraires, les problèmes liés à la première approche que j'ai désignée tout à l'heure. On constate que certaines œuvres qui sont caractérisées à la fois par leur clarté conceptuelle et par leur sensationnalisme, sont prioritairement utilisées par les enseignants désireux de questionner les valeurs. Antigone, Les Justes, Le Choix de Sophie, Le Cid, La Controverse de Valladolid, Faust, Candide, Le Dernier Jour d'un Condamné, La Condition Humaine. On peut continuer la liste comme ça pour ne citer que les plus célèbres. En philosophie aussi, on peut être tenté d'aller vers cette forme de conceptualisation en utilisant par exemple des expériences de pensée comme l'expérience du tramway de Rouenogien, l'expérience du tramway qui tue, qui permet de faire bien la différence entre conséquentialisme et déontologisme, et tout en éveillant immédiatement l'intérêt des adolescents par des situations dont souvent la violence les ravit, un peu aux deux sens du terme. Il me semble que cette approche pose plusieurs problèmes. D'abord, le problème du figement des valeurs, en principe identifiables et pérennes. L'explicitation des valeurs en jeu et leur affrontement binaire réduit les systèmes de valeurs à des impératifs personnels opposés, imperméables et sans évolution. Les élèves seraient alors invités à incarner à leur tour une valeur, un principe clairement identifié et à argumenter en cohérence. On peut citer à titre d'exemple le manuel donc, Passeur de texte, qui décrit, pour introduire le misanthrope, un personnage, je cite, excessif, alceste, et un homme moral et sage, Philinx. Le paratexte sous-tend donc le caractère positif d'une valeur, la sociabilité, dont est doté l'homme moral et sage, tandis que le misanthrope n'est lui qu'un personnage excessif. Non seulement cette introduction guide la lecture de manière normative, c'est-à-dire il suppose qu'au cœur de notre humanité, il y a la sociabilité, il évacue le problème de la tentation de la misanthropie que pourraient se poser les lecteurs adolescents, mais elle donne aussi à penser que le rapport au monde ne peut s'effectuer que de deux façons symétriquement opposées, l'excès ou la mesure. Après en avoir disqualifié une, le manuel pose la question suivante. De quel personnage vous sentez-vous le plus proche? Justifiez votre réponse. Donc cette appréhension des valeurs, un peu comme une évidence, soulève la question du rapport que nous avons effectivement à nos valeurs et nourrit un peu l'idée commune qu'on aurait des valeurs un peu comme par-devers soi. Je voudrais faire appel ici à mon expérience en milieu pénitentiaire où la question des valeurs est très sensible, à la fois parce que l'éducation nationale nous demande avec peut-être plus d'urgence qu'ailleurs d'enseigner les valeurs, et puis parce que l'administration pénitentiaire avec laquelle on a un partenariat, de son côté, nous demande de faire un retour sur les valeurs effectives des élèves. Et qu'on se retrouve dans certaines commissions à devoir répondre à des questions du type « Alors est-ce que vous pensez que celui-ci il croit ce qu'il dit? Est-ce que celui-ci il est en sous-marin? Est-ce qu'il nous cache ce qu'il... Est-ce que... » Et donc avec une espèce de... Des questions en fait, auxquelles il est difficile de répondre, en fait, parce qu'elles supposent quelque chose qui, à mon avis, n'existe pas vraiment, à savoir le figement de valeurs de manière tout à fait identifiée, identifiable par l'individu lui-même, à la fois soit dans la République, soit dans les individus. Donc on se retrouve un peu embêté face à ces questions. Cet exemple extraordinaire de la détention nous rappelle ce qui est valable partout ailleurs et que la littérature elle-même nous permet d'appréhender, à savoir qu'il n'est pas du tout certain que le sujet soit dans une transparence absolue par rapport à lui-même et à ses valeurs. Il n'est même pas évident que dans un même sujet, toutes les valeurs qu'il a soient consistantes entre elles, soient cohérentes. Et il est tout à fait envisageable que chacun s'illusionne ou se trompe sur ses propres valeurs. C'est d'ailleurs souvent ce que nous montre la littérature. Par exemple, on pourrait soutenir, à la suite de l'analyse de Jouffre, que dans la condition humaine, les valeurs révolutionnaires défendues par Chen ne sont finalement qu'un mensonge à lui-même, qui ne sont là que pour masquer son désir de mort. On pourrait aussi, si on prend l'exemple de l'amour de Swann pour Odette, montrer en quoi cet amour il est toujours contemporain d'une forme de mensonge à soi, d'illusion, etc. Donc il y a quelque chose de plus complexe que ça dans la manière dont on adhère nous-mêmes à nos propres valeurs que dans ce qui est supposé dans cet affrontement. Il nous semble que cette problématique est d'autant plus aiguë pour les lycéens qui, parce qu'adolescents, vivent ce paradoxe de cristalliser leur identité autour de valeurs choisies, alors même que ces valeurs sont en cours de constitution. Cette période, Winnicott... Ah oui, la citation est derrière moi. Winnicott la désigne du terme de doldrums, que l'on peut traduire par « poteau noir », c'est un terme de navigation, qui m'a semblé dépeindre ce moment de l'adolescence où on ne sait pas de quel côté le vent va tourner, s'il va y avoir du vent. Donc, par conséquent... Notre perspective s'opposer, de prendre le contre-pied de ces schématisations, même quand les textes ont l'air de les postuler, ont l'air d'y amener un peu comme naturellement. En effet, c'est un deuxième écueil, selon nous, ces pratiques amènent le divorce de l'expérience et de la délibération morale. En effet, parce que frontale et grossissante, ces approches déconnectent la question des valeurs du quotidien, ce qui pose plusieurs problèmes à la fois éthiques et pragmatiques. D'abord, elles menacent le tissage d'un lien personnel, authentique et intimement vécu par les élèves avec les textes, et peuvent nourrir ce qui, dans l'appel à communication, était nommé comme une sourde sécession à l'égard de la discipline des lettres. Vous avez une citation de Winnicott, là, j'ai peut-être pas le temps de lire, sur la manière dont les élèves sont susceptibles justement de se constituer en groupe contre l'enseignant, ce qui est vraiment pas du tout évidemment ce qu'on cherche. Il nous semble aussi que ces approches ont le défaut de nous faire croire que finalement les questions éthiques et morales ne se posent que dans des situations extraordinaires, proprement romanesques ou théâtrales, ou alors qu'elles sont plus pertinentes pour certaines périodes historiques. Alors par exemple, sous l'occupation, oui, il y aurait eu des dilemmes moraux, mais aujourd'hui c'est un peu différent. Et nous, on aurait envie plutôt de réfléchir avec nos élèves de quelle manière ces choix en fait sont présents dans notre vie quotidienne. Et donc de ne pas aller trop vers ces exemples un peu sensationnels qui les déconnectent de l'expérience quotidienne. Et enfin, ce qui nous paraît un peu dommageable, c'est la manière dont cette approche se focalise sur le moment du choix. C'est-à-dire, j'ai un dilemme, et finalement, ce sur quoi on va principalement et même quasiment exclusivement réfléchir, c'est le moment du choix, le moment où je vais choisir entre l'une ou l'autre des possibilités qui s'offrent à moi. Alors qu'il est peut-être intéressant de réfléchir aussi sur le moment qui suit le choix et la manière dont, quand j'ai par exemple dû choisir entre deux valeurs et quand j'ai dû renoncer à une valeur, la manière dont j'exprime après mon choix ce renoncement. Est-ce que je reconnais avoir été obligé de sacrifier une valeur? Est-ce que j'exprime des regrets? C'est un peu, Martha Nussbaum donne l'exemple d'Iphigénie, c'est un peu la faute d'Agamemnon. La faute d'Agamemnon, c'est pas seulement d'avoir choisi de sacrifier sa fille, c'est aussi la posture qu'il a tenue après ce choix. Donc on a aussi envie, dans ce débat éthique en classe, de ne pas se concentrer que sur le moment du choix, mais de montrer que le questionnement éthique, il infuse quand même un peu plus loin que simplement ce moment-là de la décision. Pour illustrer ce problème de cristallisation un peu binaire, je voudrais citer l'exemple, vous l'avez derrière moi, d'une séquence sur l'étranger de Camus. C'est un cours qui a été mené au collège Paul Éluard de Garges-lès-Lyonnais en 2012. Et vous avez donc un verbatim des réactions au fameux incipit « Aujourd'hui, maman est morte ». Donc, il est trop bizarre, la mort de sa mère l'empêche pas de bouffer, trop chelou le gars. Ces réactions spontanées révèlent le divorce de ce que la littérature représente et de ce que les élèves vivent quotidiennement. Trop chelou le gars. Plus tard, lors de l'extrait consacré à Marie, un élève échange avec le professeur. Mais c'est un ouf, lui, sa mère vient de mourir et il ne pense qu'à niquer la meuf. Excusez-moi. On ne dit pas niquer, dit le professeur, mais faire l'amour. C'est la même, c'est un ouf quand même. Dans ce cas précis, la situation morale présentée par la littérature n'est peut-être pas si extraordinaire en elle-même. Perdre sa mère et continuer à vivre, continuer à avoir des relations sexuelles. En revanche, ce que les élèves de cette classe ont peut-être du mal à pointer du doigt sans l'aide du professeur, c'est que ce qui écorche une forme de valeur du deuil qu'ils partagent, ce n'est pas le fait que Perso continue à vivre, c'est le fait qu'il n'exprime pas le sentiment de tristesse lié au deuil et que cela résonne stylistiquement. Il y a donc un détour à faire par le caractère de Perso et par ses sentiments, son rapport à ses propres sentiments, pour mener la délibération morale proposée par le texte de Camus. Les émotions et les sentiments des personnages sont autant de jugements et d'expressions de valeur, et c'est sur eux justement que nous souhaiterions placer l'accent. Donc pour le formuler un peu simplement, donc notre objectif, ça va être un peu de repassionner le débat, de remettre un peu de sentiment, un peu d'émotion dans le débat, sans pour autant renoncer à la rationalisation. Comme je le disais en introduction, la réintégration des affects dans le débat moral peut faire naître une suspicion légitime. En morale, en effet, les affects sont souvent suspectés d'être des bons sentiments. Cette expression, elle est assez intéressante, parce qu'on voit que par un espèce de renversement, l'expression « bon sentiment » finit par désigner quelque chose qui, de manière totalement consensuelle, est mauvais. Donc on peut se demander qu'est-ce qui fait que, justement, les bons sentiments sont mauvais, et on voit que, d'abord, il y a une espèce de rejet qui est quasiment esthétique. On n'aime pas les bons sentiments parce qu'ils dégoulinent, parce que il y a cette... Il faudrait aller voir du côté de Bachelard une espèce de ce qui nous déplaît dans cette matière dégoulinante des sentiments. Donc c'est un rejet à la fois esthétique et éthique. Et puis on condamne leur inefficacité. On trouve que ce sont des intentions vaines qui s'opposent au pragmatisme, qui nous empêchent d'agir, et même qu'éventuellement ils seraient nuisibles en nous poussant à mal agir par une conception idéalisée de la situation ou par trop d'empathie, etc. Notons d'abord que si pour toutes ces raisons, on en vient à ne pas prendre en compte les sentiments dans la discussion sur les valeurs menées en classe, cela ne signifie pas qu'ils ont disparu. Ils sont toujours là, mais on s'est tout simplement abstenu de les penser. C'est cet angle mort de la réflexion qui, selon nous, pose problème. On peut en outre relever le paradoxe qui consiste à partir d'une situation qui parle affectivement aux élèves, Antigone n'a pas le droit d'enterrer le frère qu'elle aime, pour ensuite produire une explication froide qui mettrait de côté notre indignation, indignation insuffisante et à dépasser du point de vue du professeur, et celle de la protagoniste réduite à une machine de guerre idéaliste. Au terme d'une telle analyse, l'enseignant, et là encore on fait référence à une séquence à laquelle on a assisté, ne peut que conclure avec objectivité que Antigone est finalement une héroïne tragique prête à se sacrifier pour ses idées. Conclusion qui, dans le contexte politique actuel, et étant donné le caractère attachant du personnage, n'est pas sans poser de problème. C'est-à-dire qu'il suffit de se sacrifier pour ses idées pour être une héroïne. Et donc on voit bien que là, il y a quelque chose qui manque au débat, et quelque chose qui n'a pas été pensé et qui pose vraiment un problème. De manière plus générale, identifier des valeurs qui s'opposent est certes intéressant pour la compréhension conceptuelle, mais cela n'aide pas à comprendre la nature de notre adhésion à ces valeurs, ni ce qui nous pousse à adopter telle ou telle valeur selon les situations. Pourquoi, quand et comment les avons-nous choisi ces valeurs? Et là, on trouve, et moi je le trouve dans mes propres pratiques, hein, qu'en tant qu'enseignant, on est très prudent vis-à-vis de la question des valeurs quand on a un débat, et notamment en classe quand on a un débat où les élèves sont invités à exprimer leurs propres valeurs. En tant qu'enseignant, on va se mettre dans une espèce de position de retrait où on va pouvoir se prononcer éventuellement sur la cohérence de ce que disent les élèves. Mais, par exemple, on va pouvoir souligner si on a un élève qui revendique à la fois le fait que ses valeurs sont fruits de son éducation et que ses valeurs viennent de Dieu. Alors, face à un élève qui affirme les deux choses à la fois, on peut lui faire remarquer que ces deux sources peuvent être en tension l'une avec l'autre. Mais en aucun cas, on va se permettre, parce qu'on a envie de respecter les diversités de valeurs de nos élèves, de se prononcer sur les fins ultimes choisies. Et on va encore moins se permettre, il me semble, quand ces fins ultimes sont empreintes de religiosité. Et ça alimente l'idée que finalement il y a un moment où le débat il s'arrête et le débat ne peut que s'arrêter et doit s'arrêter. C'est-à-dire un moment où on a atteint comme quelque chose qui serait le socle des valeurs de chacun, qui sont complètement personnelles, et que là on ne peut pas discuter. Et donc d'une manière un petit peu paradoxale, le débat en classe il mène à reconnaître l'impossibilité du débat sur ce qui est peut-être le plus important. Donc c'est pour remédier à ça qu'il nous semble important d'adopter une position éthique plutôt que morale et de remplacer un peu ce qui est une réflexion, enfin ce qui est souvent présenté comme une réflexion sur le bien et le mal en proposant une réflexion sur les vertus, donc déjà en pluralisant un peu ces valeurs. Donc en cela, nous nous inscrivons... On va passer un peu du côté de ce que j'appelais tout à l'heure l'éthique néo-aristotélicienne. On va donc essayer de passer de cette idée du bien à l'idée des vertus, passer d'une morale de l'intention et de l'intériorité à une morale plus de l'extériorité, une morale qui prend en compte la manière dont mon action s'inscrit dans le réel, sur ses conséquences, une morale de l'expérience, et puis surtout une morale qui ne va pas mettre de côté notre rapport affectif à nos valeurs. Je prends pour référence principale ici. Hop. Alors, non, je vais trop vite. Un article dont vous avez ici des extraits. Un article de Martin Nussbaum qui s'appelle Le discernement de la perception, une conception aristotélicienne de la rationalité privée et publique. Elle y défend l'idée, à la suite d'Aristote, que la sagesse pratique n'est pas une science et que la rationalité propre à l'agent moral n'exclut pas la dimension affective de son existence. Les vertus étant justement des inclinations ou des dispositions acquises, mettant en jeu le désir et le caractère particulier de chacun. Elle écrit notamment, c'est écrit derrière moi, un adulte aristotélicien rationnel devra comprendre clairement ce que sont le courage, la justice, l'amitié, la générosité. Il devra comprendre en quoi ces éléments diffèrent les uns des autres dans nos croyances et nos pratiques et pourquoi ils sont irremplaçables. Donc par contraste un peu avec cette opposition bien mal ou avec même les trois valeurs de la République, on a une espèce de dissémination et de reconnaissance de la pluralité et surtout de l'hétérogénéité des valeurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une valeur à l'aune de laquelle on va pouvoir comparer toutes les autres. Martin Nussbaum dit de manière assez éclairante, on n'a pas envie d'avoir un ami qui va mesurer son amitié à l'aune d'une valeur extérieure à l'amitié. C'est-à-dire, il s'agit de reconnaître la légitimité de chacune de ces valeurs et sa singularité, sans la réduire à une valeur ultime qui serait, on l'a vu en plus, relativement indiscutable. Mais ce qui nous intéresse encore plus particulièrement chez Aristote et chez Nussbaum, c'est que la rationalité éthique, pardon, ne met pas en scène la raison contre les désirs, contre les affects, contre l'inclination. Donc à rebours vraiment du kantisme, on se souvient que chez Kant, pour le dire de manière un peu caricaturale, quand on agit avec plaisir ou quand on agit parce qu'on y est porté naturellement par son sentiment, ben c'est toujours un peu suspect. C'est, en gros, c'est qu'on n'est pas très net, notre action va plutôt être pathologique que véritablement morale. Donc à rebours de ça, il s'agit de réconcilier le bien, enfin la vertu avec l'épanouissement personnel. Une morale morale un peu plus heureuse en tout cas. Et donc, à rebours de Kant, Nussbaum va pouvoir affirmer que le choix correct sans émotion ou réaction émotionnelle est moins vertueux qu'un choix émotionnel, qui est vraiment le contre-pied. Autrement dit, la vertu n'est pas seulement affaire de raisonnement et de conformité à une règle, elle est aussi disposition du caractère, désir, tension de la personne tout entière d'ailleurs vers le meilleur choix, et ce non par bon sentimentalisme, mais en raison de l'inanité des règles et principes dans le domaine pratique, chaque situation différant radicalement d'une autre et appelant une perception singulière. Il y a donc une sensibilité, une émotivité propre à l'agent vertueux qui le rend capable d'être mieux attentif à ce qui l'entoure. Nous citons à nouveau Nussbaum, l'agent aristotélicien est une personne à qui nous pouvons nous fier pour décrire une situation complexe avec un grand luxe de détails concrets et de finesse émotionnelle, sans rien manquer de ce qui a une pertinence pratique. On voit alors clairement le rapport qui existe entre d'un côté percevoir, décrire, et de l'autre choisir, formuler des jugements de valeur, se disposer à agir bien. Ce rapport entre descriptif et prescriptif doit nous faire repenser le lien de la littérature aux valeurs. En effet, si la finesse de l'observation, si la sensibilité au détail a quelque chose à voir avec la vertu, c'est que la littérature a quelque chose à nous apprendre dans la conduite de notre vie, et c'est dans cette perspective que l'on se demandera en pratique comment repassionner le débat en tâchant d'éviter les risques didactiques principaux que cette ambition soulève. Je cherche à ne pas trop dépasser. On voulait, donc dans un deuxième temps, énoncer les risques effectifs de ce bon sentimentalisme dont je parlais tout à l'heure. Il y a le problème en classe quand on fait appel au sentiment, ça va être ce problème de, un peu ce que, alors dans un autre contexte complètement, ce que Mauss appelait l'expression obligatoire des sentiments. C'est-à-dire qu'il y a des réactions affectives attendues, il y a des réactions affectives conventionnelles et convenues, et qu'il va falloir réussir à dépasser justement cette convention qui fait qu'on va justement d'emblée dire que Meursault est un monstre, etc., et qu'il va falloir amener les élèves justement à être lucides sur cette dimension collective, conventionnelle, historique des passions, et étudier avec elles la manière dont ces sentiments, bien que vécus intimement, sont le fruit d'élaborations culturelles, et y compris élaborations littéraires. L'écueil symétrique de cette contagion, qui ferait que tout le monde se sentirait obligé de ressentir la même chose et d'exprimer le même sentiment, ce serait l'illusion qu'au contraire notre sentiment est tellement singulier qu'on ne peut pas le mettre en mots, qu'il est impartageable, qu'il ne concerne que soi. Provoquer un débat sur les émotions serait alors, dans cette perspective, violer l'intimité des élèves. Donc ici, les ressources disciplinaires sont précieuses, puisque l'effort poétique est justement une tension vers un langage singulier, par-delà les généralisations abusives et les recouvrements qu'opère le langage ordinaire. Il y a donc une nécessité vitale de tout tenir, à la fois esthétique et éthique. Donc entre, d'un côté, la réduction des affects à des phénomènes sociaux et le mythe d'une indicible et singulière intériorité, le problème est alors de trouver la juste place de l'affectivité dans le débat. Donc très rapidement, pour tenir ensemble justement éthique et esthétique, ce sur quoi on voudrait insister, c'est sur la manière dont la lecture des textes nourrit notre rapport à notre environnement et nous modifie en tant qu'agent éthique, justement en nous proposant un surcroît d'expérience. C'est-à-dire, il s'agit de considérer la littérature d'une certaine manière comme un nouveau champ d'expérience en acceptant l'idée qu'être un agent moral, c'est aussi s'être nourri de cette expérience. Donc là aussi, on est à rebours du kantisme pour qui l'intention n'a pas besoin, il n'y a pas de talent à avoir pour être moral, il n'y a pas à être particulièrement habile ou prudent. Ici, on reconnaît donc avec Aristote l'existence d'une espèce de cercle vertueux, c'est-à-dire de la même manière que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, ben c'est en étant vertueux qu'on va devenir vertueux. Il s'agit d'aiguiser son sens moral sur des situations singulières, et la littérature, elle va être là pour nous proposer ces situations singulières, y compris dans des textes qui ne sont pas explicitement des textes présentant des dilemmes, mais simplement des textes qui nous permettent de mieux discerner, de mieux percevoir, on va dire Nussbaum, les situations, et du coup d'avoir un œil un petit peu plus lucide et plus profond sur la réalité qui nous entoure. Ce lien entre éthique et esthétique, il tient dans l'idée d'une interprétation juste. C'est-à-dire, pour Aristote, être vertueux, c'est être capable d'interpréter avec justesse le monde qui nous entoure. De la même manière, nous, la compétence qu'on va développer en classe de français, ça va être une certaine justesse de l'interprétation. Et donc, c'est pour nous cette justesse, cette manière de mieux discerner, de mieux voir, qui permet de faire le lien. En conclusion, donc, il nous paraît important d'abord donc de peut-être revoir notre manière d'aborder les textes. Donc ça peut être en revoyant la manière dont les questions sont formulées, la manière dont les questions sont proposées aux élèves. On a pris l'exemple dans un manuel d'un texte tiré de Don Juan de Molière, où Don Juan est présenté comme, je cite, un noble libertin qui ne respecte aucun principe moral et qui prône et qui promet le mariage aux femmes pour mieux les séduire. Donc on a un manuel qui d'emblée nous décrit Don Juan comme quelqu'un dénué de tout principe moral. Il nous semble important, au contraire, d'essayer de comprendre, peut-être moins dans des textes ciblés, mais dans une lecture plus extensive de l'œuvre, de quelle manière, justement, Don Juan, en désirant des femmes, crée des valorisations, et d'où viennent ces valorisations. On peut reprendre la lecture de René Girard, qui voit chez Don Juan l'expression d'une forme de désir mimétique. C'est justement parce qu'il est jaloux du couple de paysans qui voit qu'il va se mettre à désirer, donc à valoriser telle femme. Enfin voilà, faire une analyse un petit peu plus fine de la manière dont les valeurs, en un sens plus large, pas seulement ces grands principes moraux dont parle le manuel, voilà, sont réveillés par les textes. On a aussi commencé une expérimentation un petit peu plus radical, où il s'agit cette fois plutôt que de partir des textes, de partir donc au croisement un peu de nos deux disciplines, et en lettres, moi je suis en philosophie, de partir vraiment de débats sur les affects, sur les passions. Par exemple, on est en train de monter une séquence sur la jalousie, c'est à partir d'une discussion avec les élèves sur la jalousie, et à partir de cette discussion, les faire formuler des questions et les faire aller chercher et constituer des corpus eux-mêmes. C'est-à-dire aller solliciter les textes pour répondre aux questions qu'on se sera posées dans un débat qui est initialement un débat philosophique sur les passions, aller eux-mêmes constituer un corpus, et eux-mêmes, ça, dans l'idée, avec une espèce d'individualisation des corpus, c'est-à-dire chacun étant invité à forger, ou alors en petit groupe, sa propre problématique, aller chercher ses textes, ce qui peut, en classe de première, donner permettre aux élèves d'une même classe de présenter au bac des textes qui ne sont pas forcément les mêmes. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu absurde à se dire qu'il faut absolument que tout le monde présente les mêmes textes, alors que nos intérêts, nos goûts, nous portent nécessairement vers une diversité. Donc il s'agit d'essayer de trouver pour les élèves une liberté dans le choix des textes pour remédier un peu à ce guidage dans la lecture des textes qui nous paraît souvent très contraignante. Si vous avez des questions là-dessus, on pourra en discuter par la suite. J'espère ne pas avoir été trop longue. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie et je m'excuse pour la perturbation. En fait, vraiment, c'est la fermeture du bâtiment, et surtout la fermeture de cette salle en particulier, qui nous a un peu perturbés. Je m'excuse. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette communication ? Oui, Jean-Claude. Oui, je voudrais simplement faire une remarque. c'est de mesurer à votre intervention le progrès parcouru depuis quelques années. C'est-à-dire qu'on a là véritablement une problématique qui est une richesse incroyable, hein, et qui nous permet de voir que les professeurs peuvent être impliqués dans des réflexions sur tout. Hein. Donc, j'espère que vous êtes sur le bas. Oui. J'espère que les professeurs de lettres nous le sauront aussi. En tous les cas, on a là une critique, par exemple, du dilemme, qui est étonnante parce qu'elle suppose par conséquent qu'on a déjà parcouru le chemin qui menait vers le dilemme. C'était déjà difficile. D'accord. Bon, et maintenant, vous pouvez vous permettre de critiquer ce genre d'approche, hein, de la mettre à distance, parce que précisément, vous avez déjà engrangé des choses qui étaient absolument en dehors de toute préoccupation du professeur il y a une quinzaine d'années. Oui. Donc ça, c'est une remarque, je ne sais pas si je vais poser des questions, mais franchement, j'avais envie de vous dire ça, parce que moi, j'ai eu le sentiment, justement, dans mon expérience, de ne pas trouver d'écho à ces gens de questions. Oui, bah, effectivement, en fait, on remet en question une pratique qui n'est effectivement pas si vieille que ça, qui est la pratique du débat en classe. Et moi, pour l'avoir beaucoup fait avec mes élèves, c'est des séances dont on ressort à la fois content parce que c'est des séances dans lesquelles les élèves s'impliquent, mais quand on voit ce que ça donne après dans la réexploitation, quand on cherche à voir les traces que ça a laissées, on se rend compte qu'en fait, on a créé une espèce de grande émotion, et puis qu'en fait, derrière, les conceptualisations justement très formelles qu'on a voulu faire n'ont pas... Ils ne sont pas du tout pris. Et du coup, on essaie de trouver une autre manière d'aborder les choses en étant moins, à la fois moins sensationnaliste et un petit peu plus dans la reconnaissance de ce qu'on a dit tout à l'heure, l'attachement aux valeurs, voilà, pour sortir de ce caractère un peu, oui, un peu décevant en fait, de la pratique du débat en classe. Une dernière question, oui. Pouvoir justement discuter de la justice, du courage, etc. Oui, mais il me semble quand même que ce soin est particulier à Aristote et qu'en prenant ce soin, il s'oppose quand même à l'intellectualisme moral de Platon et qu'il prend quand même le contre-pied. Mais voilà, c'est justement ça que je voudrais, parce que j'ai parlé de Socrate, c'est Socrate platonicien. Mmh. Platon met en scène Socrate sans cesse en train de prendre un soin infini des émotions, et notamment le thumos, hein, l'énergie qui nous fait nous présenter dans la cité et par laquelle on essaie d'avoir une relation. Alors, ça me permet d'avoir cette réaction, on pourrait en discuter encore, hein, parce que c'est très. Disons que c'est. Ma réaction, c'est de dire que la première partie de ma réaction, c'est qu'on va toujours chercher Platon, hein, pour dire que c'est un intellectualisme. Je pense qu'il faut analyser beaucoup plus en détail que cet intellectualisme qu'on projette sur lui, ce rejet de la fable qu'on projette sur lui, etc. Parce qu'il utilise la fable au recours d'Aristote pour faire sa philosophie, et il n'arrête pas de parler des fables. Mais ce que je voudrais dire maintenant, surtout pour faire avancer le débat peut-être, c'est que toute la discussion qui tourne autour de ces valeurs et qu'on pense pouvoir être neutre et qu'il est possible d'avoir une neutralité et laisser une interrogation, moi je suis fondamentalement opposé à cette vision en prenant deux exemples. L'exemple de la définition de la vertu chez Aristote, que vous avez défini comme étant la possibilité d'interpréter la réalité qui nous entoure et avoir une certaine justesse. Et donc, ce n'est pas exactement ça qu'on va chez Aristote. Il est impossible de définir la vertu qui est une disposition acquise pour l'action sans poser la finalité de cette action. Et donc, Aristote, justement, pose la question du bien au départ de l'éthique. Pour avoir la finalité de l'action, on a ça dans la politique, où il dit que la finalité de l'action, et on a ça aussi dans l'éthique, hein, c'est la conduite de l'existence par l'exercice de la raison. Et c'est ça le bonheur de l'homme. Et c'est pour ça qu'il dit que l'activité suprême de l'homme dans la politique, c'est l'étude en permanence pour se cultiver dans la raison. Donc ça, c'est un point historique qui a été posé par la philosophie traditionnelle et que Aristote ne fait que relayer. Le point qui est le nôtre et qu'on cesse de masquer, c'est qu'on tourne sur des finalités pratiques qui sont la production et la consommation. Et ça oriente décisivement les débats sur la valeur et sur la perception, enfin, qu'on a de l'épistémologie, de la méthodologie, de la politique, etc. L'enseignement est là aussi pour former des gens qui soient aptes à fonctionner dans un système productif et de consommation. Et ça, on ne peut pas le nier. Le problème, c'est qu'on ne peut pas l'interroger. Ce sont ces valeurs fondamentales qui font les vertus. Et qu'il faut que l'enseignement est là aussi, pour distiller. Très bien, excusez-nous, il va falloir qu'on clôture. Merci. Je suis vraiment désolé pour.